les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Diva du jazz, Lady of Swing, Ella Fitzgerald. En 1981, France Culture lui consacrait une série en 8 épisodes dans l'émission Semaine Titre. À écouter tout de suite, deuxième émission, diffusée le 29 décembre 1981, Ella Fitzgerald et Chick Webb. Très vite, à ses débuts, c'est lui, Chick Webb, qui la repère et l'embauche comme chanteuse d'orchestre et la fait enregistrer pour la première fois, elle a 18 ans. L'année suivante, elle grave pour la première fois une chanson avec lui, You'll Have to Swing It, plus connue sous le titre de Mr. Paganini, toujours avec l'orchestre de Chick Webb. À sa mort en 1939, l'orchestre continuera à se produire sous le nom de Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra, A Star is Born. Voyage en musique dans la vie et l'œuvre d'Ella Fitzgerald. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Peter. There's so many people who love music, all kind of music, and I love music. You love all kind of music? Hmm? I love classic music. Now that's one type. And then, of course, you've got the people who love good old Dixieland music. Nowadays, who's fond of what we call the guitars. Everybody you see has a guitar, and they like to play country and western. Hey, swing your butt around and around and around. « 1939 va être une année décisive dans la carrière d'Ella Fitzgerald. Elle chante déjà depuis 4 ans avec la formation de Chick Webb, qui se produit au Savoy de Harlem, et lui réserve une sorte d'exclusivité, en souvenir d'un temps où personne ne voulait d'elle. Malgré l'intérêt croissant des Blancs et surtout des Européens pour le jazz, ni Ella ni Chick Webb ne sont encore sortis du ghetto noir de Harlem. Mais leurs disques se vendent partout depuis le succès de Ticket to Tascat et on commence à s'arracher les enregistrements où Ella chante. Février 1939, Undecided. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you got a heart and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? En juin 1939, Chick Webb est mort et Ella a repris son orchestre du Savoy. Dans les disques qui paraissent alors avec l'étiquette Ella Fitzgerald et son fameux orchestre, les interventions de la chanteuse sont loin des petites phrases qu'elle partageait avec les autres instrumentistes. À partir de cette époque, l'orchestre est là pour la servir, on pourrait dire pour l'accompagner, plutôt que pour faire un travail d'improvisation individuelle. Elle en est la figure dominante, c'est elle qui choisit le répertoire, c'est elle qui fera sortir l'orchestre de Harlem. Mais ne nous leurrons pas, dans cette Amérique-là, une chanteuse noire de jazz n'est pas autre chose qu'une employée pour le plaisir de l'oreille blanche, comme d'autres sont cuisinières pour le plaisir du palais blanc. C'est la pire époque du ségrégationnisme, et elle la sentira avec l'habileté du plus talentueux des diplomates. Derrière les paroles un peu mièvres de ces anodines chansons, c'est tout Harlem qui circule dans un rythme et un phrasé époustouflant, enrobé d'une élégance neuve dans l'art noir du chant. Juin 1939, A Stairway to the Stars. Let's build a stairway to the stars. And climb that stairway to the stars, with love beside us to fill the night with a song. We'll hear the sound of violins out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drifting alone. Can't we sail away on a lazy daisy pedal over the rim of the hill? Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Let's build a stairway to the stars, a lovely, lovely stairway to the stars. It would be heaven to climb to heaven with you. And that stairway to the stars. Yes, we're climbing, climbing to the stairway to the stars, stars, stars, stars. Sound of violins way out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drift, drift, drifting along. Can't we sail away on a lazy daisy pedal over the rim of the hill? Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Stairway to the stars. It wouldn't be heaven, heaven to climb with you. En donnant une part prépondérante au chant dans les prestations de son orchestre, Ella Fitzgerald le dévie de sa mission première d'orchestre swing, qui est avant tout de faire danser. En fait, Ella Fitzgerald s'accapare le swing instrumental et le rend prudemment vocal. Au début, elle le fera en ayant soin de ne pas encombrer l'esprit de l'auditeur danseur par un récit trop compliqué. Il s'agira d'une phrase maîtresse décrivant la plupart du temps une situation banale, rendue comique par le choix des mots et le jeu qu'elle en fait. Quelque chose de frappant, de facile à retenir, sur quoi elle va pouvoir jouer de sa voix, travailler le timbre, le phrasé, le rythme, bref, rendre possible la chanson pour danser. I want the waiter with the water. I want the waiter with the water for my daughter. I want the waiter with the water for my daughter, 'cause my daughter has an order for some water on a tray. He's got a menu that'll send you. He's got a menu that'll send you and befriend you. He's got a menu that'll send you and befriend you. Maybe lend you if you help me find the waiter with the tray. While my daughter was having lunch one day, she caught the waiter's eye. He took one look at her and ran away. Now she's gonna die of thirst unless I find that guy. I want the waiter with the water. I want the waiter with the water for my daughter. Don't want the butcher or the baker or the candlestick or maker. Want the waiter with the water on the tray. With the water the train. L'orchestre de Chick Webb, qui avait été le meilleur orchestre swing noir, le seul à faire du jazz authentique, le restera encore un temps sous la conduite d'Ella Fitzgerald, qui saura laisser les solistes de cet orchestre aller jusqu'au bout de leur swing. Billy et Bechernickel, tous deux enregistrés en 1939, sont les meilleurs moments de cette collaboration et sans doute le plus authentique témoignage du swing fait à Harlem, avec des apostrophes au cœur, des récitatifs qui ne sont pas sans rappeler les accents profonds du blues. A nickel, I bet you I win. I bet you a nickel that you will give in. What's the matter, honey? Afraid you lose? Do what you wanna win, say what you choose. I still bet you a nickel that you will be mine. I bet you a nickel, even raise it a dime. I always win my money, you can bet on that. I always take a tip and keep it under my hat. You've got yourself to yourself. Come on, get off that shelf, You can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all of the time. That's why I bet you a nickel that you will be mine. I bet you you sign on the dotted line. I don't see no sense in wasting all this time, 'cause whatever you bet, your bet is gonna be mine. Dès la fin de 1939, Ella Fitzgerald va imprimer définitivement à son orchestre une orientation différente. Dans une pièce comme « Baby, what else can I do ?», c'est elle qui a pris définitivement la première place. Il ne s'agit plus là d'une ou deux petites phrases chantées entre deux solos de trompette, mais d'un ou deux solos de trompette qui encadrent un récit détaillé, une chanson. Ça n'est plus du jazz, diront les puristes et les fous de catégorie, c'est un mélange bâtard de variété et de blues soldé. C'est pourtant sur une nouvelle route qu'Ella Fitzgerald lance le jazz en enregistrant des pièces comme celle-ci, et une route que n'hésiteront à prendre ni Billie Holiday, ni Sarah Vaughan, ni Peggy Lee. Elle entamait avec le public une conversation qui allait se poursuivre pendant 30 ans, et elle en donnait avec cette chanson le ton. Life has a crazy pattern, comes to few. I'd like to take the pattern and fashion it for you. Though there may be a lean while, darling, in the meanwhile, I'll give you my love. I'm sure that love through. Baby, baby, what else can I do? If you want the moon, I'll bring the moon right down to you. Baby, baby, what else can I do? Someday we'll live in a mansion out where the pastures are green. But even in a small room, just a little hall room, you'll be the king, I'll be the queen. So I'll take your hand and understand till dreams come true. Baby, baby, what else can I do? Baby, baby, what else can I do? Out where the pastures are green. But even in a small room, just a little hall room, you'll be the king, I'll be the queen. So I'll take your hand and understand till dreams come true. Baby, oh baby, what else can I do? do, my little baby? What else can I do? D'une dizaine qu'ils étaient en 1939, les orchestres de swing se transformèrent en une bonne centaine, moins de 2 ans plus tard. À l'origine de cet exceptionnel épanouissement, un facteur neuf et qui allait désormais devenir déterminant, je veux parler de la radio. Chaque foyer américain avait son poste de radio et les multiples stations qui occupaient l'antenne avaient trouvé dans les orchestres de swing un genre de musique neuf. Les concerts étaient généralement donnés en direct et une bonne dizaine d'orchestres se succédaient dans les studios venant donner chacun leur propre swing. Et quand je dis donner, c'est parce que la seule rétribution qu'ils recevaient consistait à l'énoncer de leur nom à l'antenne. Dans de rares cas, la radio se déplaçait et allait enregistrer les plus connus dans les cabarets ou dans les salles de bal, pleines à craquer, où ils se produisaient. Ce fut le cas pour Chick Webb quand il passa à Boston le 4 mai 1939, c'est-à-dire peu de temps avant sa mort. Voici cette émission de la NBC. Ella Fitzgerald y chante 4 chansons. Soyez indulgents pour l'état de ce disque. C'est un document précieux. Chick Webb, King of the Dumb. From the Southland in the city of Boston, we present a program of dance music played by Chick Webb and his orchestra and featuring the First Lady of Swing, Ella Fitzgerald. Chick Webb opens with an obvious contradiction, but a really fine tune. Let's get together. Our theme, Let's Get Together, we heard Poor Little Rich Girl. Now here's a current popular tune in the present season, A New Moon and an Old Serenade, featuring the First Lady of Swing, Ella Fitzgerald. Come to our aid. Lady of Swing, Ella Fitzgerald. And Ella says, if I didn't care. Yeah. someone like you for me to love. I never knew heaven could hold such tender charms. I never knew heaven could be here in my arms. La dépression s'éloignant, la situation économique des États-Unis s'améliorant, le public ne devait plus jurer que par cette musique, résolument optimiste, limpide et gaie, qui tournait les situations les plus tragiques en dérisoires faits divers grotesques. Toujours extrait d'une émission de radio, cette fois à New York, le jour de l'anniversaire de Chick Webb, Ella Fitzgerald chante en direct « Deep in a Dream » et « That was my heart ». L'Amérique entière va la connaître désormais comme la première dame du swing, the First Lady of Swing. Comes now the girl with the voice, the one and only Ella Fitzgerald, singing Deep in a Dream. all the lights and I sink in my chair. The smoke from my cigarette climbs through the air. The walls of my room fade away in the gloom, and I'm deep in a dream of you. The smoke makes the stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. For we love anew, just as we used to do, when I'm deep in a dream of you. Then from the ceiling, sweet music comes stealing. We glide through a lover's refrain. You're so appealing that I'm soon revealing my love for you over again. My cigarette burns me, I wake with a start. My hand isn't hurt, but there's pain in my heart. Awake or asleep, every memory I'll keep, deep in a dream of you. Ladies and gentlemen, today is Chick Webb's birthday. And so, in honor of Chick's birthday, and incidentally, may we wish him many happy returns of the day, in honor of Chick's birthday, Ella Fitzgerald is going to sing a composition written by Chick Webb. That was my heart. Your own. Congratulations on a swell number, Chick. Ladies and gentlemen, we're in the groove at the Grove with Chick Webb. The National Broadcasting Company is presenting the Rhythmic Concoction. Plus de 20 ans plus tard, à Berlin, en 1960, Hawaii is the Moon et Ella Fitzgerald. Thank you. If you would come to me soon, until you will, I still my heart. I hide a moon. I hide a moon. It's the name of the song. I hide a moon. Though the words may be wrong, we're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. I hide the moon. Does it touch the stars? I hide the moon. Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to the song, we're asking a high, high, high, high, high as the moon. Ooh, beauty, beauty, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. So the words may be wrong to this song. What do you say we gonna do?